Tu m'achètes un phone pour get les stories en 4K. Je mettrai pas de movie, elle voit tout de suite sexy. Manquerai plus que celle-ci pour qu'elles insinuent en secret trop sexy. Fin de la saga pour cette trait, pour ton corps de pelleté. Me souviens plus. Dans ma vie joue mon vrai rôle. Les exemples et pas des héros. Plein d'héros, tu dégoûtes et son tapis, ton frère qui t'écoute. Seulement lions on boit pas tôt tes cours. Mais c'est la ligne. Samouraï forest, suis tes cœurs dans l'orage. Plein d'énergie pour canaliser ma rage. Pour le démarrage, j'arrache pas la page. Je la tourne et j'en fais bon usage. Et tu m'as sucé pour l'image. On est comme un gosse devant ses cadeaux à Noël. Quand on reçoit le rap pack, les ninas se servent de nos zizés comme jouets. Ho 4 anni sotto cinta, i segni della vita belli in vista. Di problemi socio ne ho una lista. Già facendo il mic e spengo un altro artista. Businessman, la droga connette più di internet. Parli con me testi limite. Fumo pappa facendo un missile. Fanculo il futuro non mi fa paura. Corro veloce con dietro la pula. Viviamo evitando le quattro mula. Volo promesso a mamma la luna. Mi sentono tutti come un nemico. Sono il più forte, li do fastidio. Sono il migliore, li do fastidio. Sono il migliore, li do fastidio. Mi sentono tutti come un nemico. Sono il più forte, li do fastidio. Sono il migliore, li do fastidio. Li do fastidio, li do fastidio. On est comme un gosse devant ses cadeaux à Noël. Quand on reçoit le rap pack, les ninas se servent de nos zizés comme jouets. Mes années comme Taser Us, mes années comme Taser Us. Mes années comme Taser Us, mes années comme Taser Us. Mes années comme Taser Us.